Eh bien, on va commencer en donnant la parole à Yvonne Lefebvre, Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre du collectif Vidéo 00, collectif dont la formation et les débuts des travaux ont déjà été présentés lors de la troisième séance du séminaire consacré au tout premier collectif vidéo. Je le dis pour ceux qui n'étaient pas présents et que ça intéresserait de le retrouver très bientôt en ligne sous forme d'un enregistrement sonore. Ce sera possible. Voilà. Le collectif Vidéo 00 donc a accordé une grande importance aux problématiques qu'on regroupe donc dans cette séance sous le terme chapeau d'écologie. Question du nucléaire, question des alternatives économiques, l'ARZAC, et même des choses dont on ne parlera pas, comme le mal développement des villes et la qualité de vie, qui sont abordées dans d'autres vidéos. Et on peut dire l'autogestion. Et l'autogestion. Et on a au total, donc, dans leurs vidéos, une exploration assez remarquable et complète d'un ensemble de thématiques qui sont plus que jamais d'actualité. Ce n'est pas le sujet, on est un séminaire d'histoire, mais c'est vrai que c'est important quand même de le dire au passage. À vous la parole. Oui. Simplement, là, Yvonne va vous présenter le premier film là, sur Buget Cobaye. D'abord, on peut remercier Alain. Là, il a dressé vraiment un tableau complet de cette problématique. Hein. C'est très bien. Les éléments, ils sont. Il y a pas grand chose à ajouter, sauf quand même peut-être, si, en synthèse, quand même peut-être des résultats obtenus. Hein. Par exemple, sur le nucléaire, en fait, on était parti dans les années 70 pour installer une centaine de réacteurs. Hein. Mesmer, à l'époque, on parlait même de 200. Plus de 200, mais bon. Et en fait, c'était 100, 110. Ça veut dire que. Et là, on en a 54. Hein. C'est déjà beaucoup. On est parmi les pays les plus équipés. Mais on a 54 réacteurs sur les bras dont il va falloir s'occuper, hein, à démanteler. On ne sait pas trop comment. Fessenheim pose des problèmes énormes. Vous voyez, donc en fait, cette lutte, due à beaucoup de gens venant de beaucoup de milieux, aboutit quand même à des résultats. Et on peut dire que dans les principaux domaines abordés, il y a eu des résultats sur la décentralisation, etc. Les pouvoirs locaux ont pris maintenant, savent pratiquer la gestion de ces pouvoirs, etc. Il y a eu beaucoup d'avancées. Hein. Donc ça, je pense qu'il faut le signaler. Il y en a qu'un qu'on a complètement loupé, mais ça fera peut-être l'objet d'autres séances. C'est sur l'économie, hein, et sur lesquelles Vidéo Zéro ou la suite travaille beaucoup. Hein. On a loupé là quelque chose et on en paye les conséquences. Bon, voilà. Alors, simplement, pour voir le contexte du film, je rappellerai que, effectivement, Yvonne et moi, on venait d'Indre, on avait fait un film argentique, 16 mm, et on était en train de le monter. Voilà, c'est un film qui portait sur des problèmes d'adaptation d'une communauté urbaine en Assam. Aux problématiques modernes, voilà. Donc, on était en train de faire ça, et puis on s'est lancé en parallèle dans la vidéo là qui nous semblait tout à fait porteuse de tas de choses dans l'avenir. Et c'est là qu'on a monté le groupe vidéo avec des amis, donc il y avait Marie-Thérèse, Gilles, Martinelli, etc., qui ont essaimé à Toulouse, qui ont fait Vidéo 0031. Et donc, on a ramassé ce matériel, on l'a racheté à Belkin, qui est un vidéaste canadien qui faisait des choses très intéressantes sur Haïti, etc. Bon, c'est du matériel de dites anciennes normes. Et notre premier film, ça a été un film sur l'attentat du PSU qui vous a montré, qu'on a vu. Et puis, en même temps, on a embrayé tout de suite dans ça se passait en février, on est revenu d'Inde en février de 1971, on a embrayé dans l'été sur ce problème du nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'il nous a semblé, et ça avait été préparé par nos amis Martinelli, et ça nous semblait poser des problématiques importante. Voilà. Et on s'est retrouvé comme ça à Bugey, qui a été vraiment un moment historique de la lutte. Voilà, que Yvonne va vous expliquer. Mais on ne savait pas que ça allait être un moment historique. C'était à l'intuition. Hein. Donc, voilà. Et donc, on a continué. Et toujours avec ce souci de notre problématique, Malin l'a bien expliqué, il n'y avait pas que l'une nucléaire en lui-même qui était notre objectif. Hein. C'était cette problématique plus large de comment... Une population se saisit de ses moyens de gouverner, etc. Je crois que ça a été dans notre discussion qu'on a eue là il y a une heure, ça a été la préoccupation, je crois, que de beaucoup de groupes vidéo et de cinéastes. C'est comment faire. Alors, il faut se dire aussi qu'on sortait d'une période, enfin, on était dans une période dure, rappelez-vous, c'était l'Union soviétique, la guerre froide, le truc. Au sud de la France, il y avait Franco, il y avait Salazar, il y avait les colonels grecs, il y avait la décolonisation qui n'était pas achevée du côté du Portugal. Il y avait en Argentine, il se passait des trucs. Il y avait les militaires. Et tout ça faisait une tension énorme. Hein. Je pense qu'on vivait dans... Hein, je pense, hein, Serge, je crois, on vivait dans une tension énorme et l'écologie est apparue comme une sorte de porte ouverte. Un air frais. On se débarrassait de beaucoup de choses, des discours, etc. Et on s'affrontait au profit de l'action. Hein, on verra, dans Bugey, ça a été même jusqu'à se débarrasser des vêtements, parce que ça a été un Woodstock, hein, où la nudité a été comme ça pour la première fois. Et il faut se rappeler que la nudité, ça fait un scandale quand on a vu le premier sein à la télévision en 75. Giscard d'Estaing était là en disant « c'est pas possible, on voit un sein à la télévision », etc. Enfin, vous voyez, il y avait une sorte d'oppression générale et l'écologie, il faut la réintégrer dans ce contexte, hein, pour bien comprendre. Hein. Je crois que, hein, Josiane, on peut dire que ça a été cette espèce de souffle. Hein, voilà. Donc, ça a fusé de partout. Donc, l'une des claires, c'est important. Et on voit au combien... On est quand même actuellement dans une sale histoire, mais il faut dire que la sale histoire aurait été plus grave s'il n'y avait pas eu tout ce mouvement, hein, qui avait finalement abouti. Bon, ben voilà. Donc, on va commencer par le premier... Oui. Voilà. Alors, je vous présente une bande dessinée de Conques, Vive le nucléaire, petite histoire de l'énergie, publiée chez Albin Michel, où on voit le rêve du français moyen selon l'EDF, qu'on n'a jamais assez, qui a un radiateur saturé, la neige dehors, et qui mange une glace devant sa fenêtre. Je vous fais tourner. Et quand vous lisez le livre, vous verrez qu'on... On arrive à se retrouver pratiquement au début du temps des cavernes. Enfin, c'est une vision un peu... Bon, alors le groupe vidéo a réalisé de nombreux films, donc sur l'énergie, le refus du nucléaire, ce qui va donner Bugey cobaye en juillet 71, puis Air de Veine, Flamanville... Chronique de la lutte antinucléaire en 1974, en coproduction avec le groupe vidéo Sans Fleurs qui a été présenté ici. Ce sont des témoignages évoquant la résistance à l'implantation des centrales nucléaires. D'autres films vidéo ont été réalisés en complément sur l'alternative aux centrales nucléaires par l'utilisation de technologies douces, utilisation du solaire, le méthane, l'eau de pluie, comme un street farm, la ferme dans la rue en Angleterre, et Decline Hard 2 aux Pays-Bas. Une petite maison en demi-sphère pour éviter les perditions d'énergie. La construction du chauffe-eau solaire sur le toit de l'université de Jussieu, mise au point par une équipe de profs et d'élèves de Jussieu, est restée célèbre dans les mémoires, avec une vue imprenable sur Notre-Dame. Alors, on n'était pas tout seul. Il y avait des amis scientifiques qui nous accompagnaient. Le premier comité scientifique antinucléaire était constitué au départ par un instituteur pacifiste, Jean Pignereau, fondateur de l'APRI, Association sur la protection contre les rayons ionisants, c'est-à-dire les radioscopies de routine qu'on fait faire aux enfants, d'une traductrice scientifique américaine établie en Alsace, non loin de Fessenheim, la première centrale nucléaire française, Esther Peter Davis, un ex-employé à la Caisse des dépôts et consignations, Pierre Fournier, dessinateur et journaliste à Charlie Hebdo, d'un génie des maths en rupture, Alexandre Grothendieck, fondateur du groupe Survivre. Voilà, tel était l'étrange assemblage aux origines du mouvement antinucléaire. Il s'étoffa avec la création de nouvelles implantations. Semaine après semaine, Pierre Fournier bat le rappel dans Charlie Hebdo et annonce sa mobilisation pour Buget, surnommé Buget cobaye. Buget fut extraordinaire, une colonne de 15 à 20 000 personnes venues de partout, manifestant sous un soleil ardent à travers les blés jusqu'au site. Nombreux furent ceux et celles qui se baignèrent nus, comme l'a dit Michel, dans la rivière, donnant une mini-vision de Woodstock inoubliable et obligeant la CFDT à un petit problème de montage, de censure, pour ne pas montrer les lesbiennes et les pénis à l'air. Alors, l'organisation... de la lutte l'organisation on pourrait de... peut-être voir quelques extraits ouais, de, hein, de Buget, oui. Hein, simplement, alors vous verrez juste, effectivement Yvonne l'a dit, il y a un défilé dans les champs qui est extraordinaire parce que pour la première fois il y avait 10 000 personnes qui défilaient, il n'y avait rien autour. Hein, d'habitude un défilé c'est devant des fenêtres, des trucs, des passants, la presse, etc. Là, c'était dans les champs, allant vers cette centrale qui venait juste d'être construite, avec ce grand bloc. Et les gens défilaient presque dans le silence. Et il y avait quelque chose de biblique. Vous voyez, on a l'impression d'être... c'est la marche de Moïse dans le désert. Hein, et ça s'est retrouvé plus tard au Larzac ou à Notre-Dame-des-Landes, etc. C'est la première fois, oui, que l'on défile sans rien. Et en fait, nous, on a été pris dans ce mouvement et ça fait une sensation un peu extraordinaire. Quoi, on a l'impression... C'est autre chose que de défiler entre Bastille et Nation. C'est pas le même paysage, mais en même temps, c'est une sorte de quelque chose de religieux, quoi, de spirituel, sans qu'on s'explique pourquoi. Alors les images de Buget, on venait juste de recevoir le matériel, c'était de l'ancienne norme, etc. Ça a été retrouvé, on pensait qu'elles étaient perdues, ça a été refait grâce à la BNF et à Alain, et toute l'équipe. Et donc, on souhaite qu'elle soit restituée, qu'elle soit reconstruite encore mieux, parce que je pense que c'est les seules images qui existent sur Buget. Qui filmait à Buget ? Personne à part vous ? Non, personne. Ouais. Hein. Et les gens disaient, la télé, mais il n'y avait personne, quoi. Il y avait même peu d'appareils de photo. Hein. C'est un document. C'est un document, voilà. Et comme Yvonne l'a dit, il y avait très peu de scientifiques, il y avait juste Grothendieck. Tous les scientifiques étaient planqués, ils ne voulaient pas prendre position. Il n'y a qu'à partir de 1974. Les Amis de la Terre. Sauf que avec on va regarder l'extrait. Oui. On va y aller. 71. L'été 71. Voilà. C'est l'été, vous allez voir, on ne peut pas s'y tromper.